Ah, j'aurais envoyé, comment dire, feu de... de feu. C'est pour réparer l'atmosphère. C'est pour réparer l'atmosphère. Ça fait 5 ans que mes enfants me disent que le Père Noël chez nous, c'est Daniel. Là, c'est une chance qu'il n'y en a pas un qui est en conférence. Elle dit, l'a dit! Daniel! J'ai laissé en haut. T'occupes des reines. De la reine? Non, des reines. Laisse-moi faire mes farces, fous-toi! Mais, on m'a invité à parler des secrets, mes secrets. J'ai demandé, est-ce que c'est des secrets? Ils ont dit non. Ça, c'était personnel. Première chose que... ça me tente de dire. Les jeunes disent souvent, je vais descendre de chat. Multiplication des Pères Noël. Là, les centres de chat, là, les jeunes sont là, je suis le vrai Père Noël. Comme ces enfants qui sont pas instruits. Là, le test sublime fait la barbe. Ça fait des années que je vais dans les centres de chat. Et puis avant, j'allais avec ma vraie barbe. J'ai mes petits gars, petites filles. Et quoi, Père Noël? Oui, mon enfant. Vas-tu pouvoir avoir une exo-érection pour Noël? J'ai pas le temps de répondre, t'as gagné la barbe, t'es là. Pas de barbe, tu peux l'entendre. T'as l'air de barbe, t'as l'air d'aller descendre de chaud. Mais évidemment, pour me faire connaître, je mets une fausse barbe. Et les jeunes, t'es là. Ah, c'est pas le vrai Père Noël. Ce qu'ils savent pas, c'est le vrai Père Noël. Soit avant, maintenant, c'est bien évident. Il y a bien des choses. Mes parents, Claude Noël puis Marie Noël, m'ont donné un prénom farfelu. Père. Je parlais de mon Père Noël. Parce que vous étiez des jumeaux, est-ce que vous avez... Oui. La Père Noël, ça vient de là? Exact. Un autre, c'est que... Vous pouvez rire, elle est bonne. Je m'en ai pas du rire. Mais un autre secret, mais je vais vous laisser poser des questions. Je vais tout vous dire de même. C'est trop facile. Ah, voyons. Comment le Père Noël fait pour boire de l'eau avec ça? Hein? Je ne sais pas moi non plus. Je vais prendre bien à ce lieu. Bon. Mais premièrement, est-ce que c'est vrai que le Père Noël, il vient du Pôle Nord? Ah, non. Moi, c'est bien. Moi-même. Je ne viens pas du Pôle Nord. J'ai un pied à terre. Un pied dans la neige au Pôle Nord. Mais, je ne passe pas mes années là. Qui passerait d'année au Pôle Nord. Surtout pour faire des jouets, tu sais, les mains gelées à moins de 60. Mais, non, le Père Noël, c'est un... Moi, là, moi, tout le monde compte mon histoire. Ça date de longtemps. Ça paraît, là. C'est la couturière. Je suis venu pour la première fois sur cette planète. J'avais une panne de vaisseau. Tu comprends? Et, je suis arrivé, pouf, dans une nation qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et là, évidemment, les gens m'ont pris pour Satan. Alors, les gens ont dit, j'ai vu Satan après. J'ai vu Satan en close. C'est pas Satan, moi, là. Là, vous êtes arrivé où, là? Aux États-Unis. Ben oui, mais c'est grand. Où, aux États-Unis? En Arkansas. Je pensais ma voix. Bien, les gens, mais c'est ça! À Chicago, Arkansas. Non. Je vais me revisiter avec mes traîneaux. I have seen Santa Claus, hein? Satan Claus. Alors, moi, je leur ai dit, vu que je commençais à être connu, les gens me couraient après, je me poussais. J'avais toutes mes affaires avec moi, là. Mon vaisseau, il y a la malle. Les prix, les bebelles, l'homme avec dents, tout ça, j'avais plein d'affaires, je me poussais, les murs du monde, ils me couraient après. Et pesant, maudit! Fait que là, je lâchais des bebelles de temps en temps, puis je me poussais, tu sais! Lentement, le monde a passé comme des cadeaux, puis je distribuais des cadeaux, mon allant, tu sais, puis je flyais vite, c'est pas le temps de me voir. C'est bien sûr, tu as déjà essayé de rencontrer des humains, toi, là, on va leur demander juste la route. Hey, excusez, madame, passe! Ah, karaté! Enfin, on s'attaque. Alors, la poche vide, épuisée. Mais qu'est-ce que vous veniez faire ici? Problème de vaisseau. Vous connaissez pas ça, problème de vaisseau? J'ai lu des articles là-dessus. Il y a plein de problèmes de vaisseau. rendu 40-45 ans. Et le Père Noël, il est en route pour aller où s'il y a eu des problèmes de vaisseau en passant près de la planète? Bon, finalement, on est ici, là. Ah bon? Mais d'ailleurs, mais ici. Alors, finalement, je me suis poussé là où je pouvais avoir la paix. Pôle Nord. Pôle Nord. Tous les chemins mènent au pôle. Je me suis ramassé au Pôle Nord. Puis là, j'ai vu de l'énergie. Des choses extraordinaires. Puis je me suis terré, là. Pendant longtemps. Mais là, le problème qui est arrivé, c'est que les gens, j'ai rencontré du monde. Je me suis fait aider. J'ai rencontré du monde, des bonhommes qui faisaient des sculptures. Puis ils m'ont dit, écoute, le grand, si tu veux, on va t'aider à sacrer ton camp. Pas dans l'espace. Mais pas chaque mon camp à l'espace. Je vais vous voir après! Tout à l'heure, le monde avait mangé à l'intérieur. Puis, non, le Père Noël, à ce soir, c'est une chose à faire. Alors, j'ai rencontré un bonhomme extraordinaire. Il y avait une grosse compagnie à lui, puis il vendait du stuff noir. Ça s'appelait du coke. Et puis là, il m'a dit, tente-tu de participer à une campagne publicitaire? Puis nous autres, on va te payer, pas toute l'école. Au Pôle Nord, pour l'instant, parce que il y a un paquet de problèmes de cristallisation, de restructuration cristalline, ça s'est mis dans le filet. En tout cas, bon. Alors, j'ai accepté, puis j'ai prêté moi-même une campagne publicitaire de la compagnie Coca-Cola. Et puis, eux ont dit, ils ont inventé le Père Noël, mais c'est une histoire. Et puis, je me suis allé là-bas. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé de me faire descendre le 25 de décembre, parce que le 25 de décembre, c'est une fête judéo-chrétienne mélangée avec une fête de barbares. Ah, il y avait à un moment donné un bonhomme, Nicolas. Nicolas, c'est un alchimiste. Bon. Nicolas, lui, il se promenait de temps en temps, puis il faisait le tour. Il faisait peur du monde, parce qu'il avait essayé pas mal de stuff sur lui, tu sais, puis il était un peu magal, trop. Là, Nicolas, ben, c'est un saint, c'est un martyr, c'est un saint. Alors, lui, il faisait peur aux enfants, etc. Puis là, à un moment donné, la plus petite journée sur la planète, là, ici dans le Nord, là, c'est le 21 de décembre. Ça allait avec quand est-ce que Nicolas il sortait pour aller faire sa quête. Nicolas, il a besoin de fric rendu décembre, à peu près, quand il était alchimiste. Fait qu'ils ont tout mélangé ça ensemble, puis là, ils me font sortir le 25 de, le 25 de décembre. Je suis à peu près jamais là le 25. J'ai une garoche en parachute le 21. Essayez de tourner avec une poche pleine de cadeaux avec un parachute. Je me suis déjà ramassé que sa poche s'est ouverte. Ah, ok. Les cadeaux tombent tout sur la tête, le parachute pour ouvrir, la poche, tu tiens prêt, tu arrives en bas dans le centre d'achat, puis t'es trompé le centre d'achat, en tout cas ça. C'est pas une vie facile pour le Père Noël. C'est pas un cadeau. Mais ce qui est intéressant, moi, pourquoi je suis resté sur la planète Terre? Je voyage en masse, il y a d'autres fêtes. Je suis dans les PA, les Père Noël anonymes. Mais avant, je bougeais beaucoup, tu sais. Nous, on grognait souvent, mais... Et puis, ce qui est intéressant, formidable, c'est la planète Terre, ici, dans le temps de... Quand la Terre commence à fuir le Soleil, l'axe commence à se placer différemment, puis la journée commence à s'étirer. C'est qu'énergétiquement, c'est extraordinaire ce qu'on peut vivre dans le contexte terrestre vers... vers le 21 décembre. Ça n'a rien à voir avec la naissance d'un petit gars, là. C'est pas ça du tout, ça, là. Ça, c'est... Lui, il est né au mois, en plein milieu de l'été. J'ai entendu parler pas mal. Mais ce qui est le fun... C'est ça qu'on appelle la magie, là, l'énergie que vous mentionnez, c'est la magie du temps des fêtes. Ouais, c'est ça. La magie du temps des fêtes, c'est pas juste les néons des magasins. C'est pas ça, c'est pas la magie du temps des fêtes. Ça, c'est... il se trouve que... L'humain a à peu près, vous autres, là, toujours fêté. Moi, j'ai pu visiter des endroits où il y a pas mal d'histoires. On se couche, on dort, tu sais, on se connecte 3-4 affaires, après ça, pouf, on va visiter l'histoire, le vrai. Ben oui, ça arrive. Et puis, on voyage, j'aime ça, on peut connaître l'histoire humaine. L'humain a toujours fêté. L'humain a fêté le début du printemps, l'humain a fêté la fin de l'hiver, l'humain a tout fêté, tu sais. Quand le vin, l'humain a inventé le vin, on fêtait, bon. Et puis... parlant, là, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que quand la Terre est placée dans cette position-là autour du Soleil, il y a une incidence de rayons. Je vais pas passer des détails, mais ça nuit, en tout cas, quand tu voyages en vaisseau spatial. Humainement parlant, il se passe que l'humain, subitement, entre en contact avec la majorité des structures temporelles. Bon, petit dessin ici, là. Ah, on prend celui du délai, le mot, hein. Alors, on va t'en écrire avec un crayon. C'est que, je vais aller voir si je les comprends. Père Noël, il faut faire ça simple, allez voir ça. Père Noël agrémente toujours ces dessins. Bon. Ah, voilà. Présentement, l'humain, là, il vit ici, là. Ici. On dit ici. Bon, toi, t'es là-bas. Et puis, ce qui est plaisant, c'est que l'humain, il appelle ce port-là, il appelle ça le passé. Le passé. Il y en a passé. Il recommence tout le temps, mais il y en a passé. Il appelle ça le passé. Bon. Puis ici, il appelle ça l'avenir. Futur. L'ensuite. Et puis, ce que vous savez pas, ben moi je le sais, c'est que vous autres actuellement, vous vivez ici, là, puis ici. Ici, vous en avez quelques souvenirs, la réincarnation. Ici, vous en avez quelques souvenirs, l'espoir, les souvenirs, peut-être, t'espères. Et puis, vous pensez ici, mais on vit là. Ce qui est le plaisant dans le temps des fêtes. C'est qu'à un moment donné, par des mécaniques, puisque je vais sauter, ça, il y aura un conférencier, Mané va vous expliquer ça, c'est que l'homme, la femme, l'enfant, ont la capacité inconsciente, ont la capacité humaine de se rallier et de goûter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un humain, il devient nostalgique. À cette période des fêtes-là, là, t'appelles, là, mais il devient nostalgique. Là, il commence à goûter ce qu'il a vécu, à goûter ce qu'il va vivre. Mais l'humain, aujourd'hui, il a peur. Il est nostalgique, bizarre. Parce que quand je commençais, fait des années, quand je commençais à venir, je me promenais, même avant de donner cadeau, le monde était content. Là, aujourd'hui, ben, même après cadeau, tu vois, ça buvait pas trop, mais ça boit. Les gens, aujourd'hui, ils ont peur des fêtes. C'est pas à cause du Père Noël, ils ont peur des fêtes. Mais ça n'a pas toujours été comme ça? Non. C'était heureux, c'était plaisant, les gens là avec le cheval. Moi, j'arrivais avec mes reines, la concurrence, et le monde, ils me suivait, en tout cas. Mais, puis, c'était bien. Les gens étaient heureux, les gens jasaient. Ce qui était le fun, c'est que là, les mononcles, les matantes, les cousins Germain, puis les cousins Philippe, ils revenaient à un moment donné, dans la famille, ça serrait la main, ça s'embrassait. Ça broyait un petit peu, mais c'est une nostalgie de... Et qu'on est con de pas se parler, de pas se voir, mais il restait loin. Et puis c'était correct, il allait à l'église un petit peu, montrer le nouveau chapeau, pour ça il rentrait chez eux. Bon, ça, c'était le monde était heureux. Bon, aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que le monde, il goûte le passé. Tu appelles ça le bon vieux temps. Pourquoi moi, j'ai visité ce temps-là, puis c'était du temps. Mais le monde, il goûte l'avenir. Mais l'avenir, le monde, ils en ont peur en tabarnouche, puis là, il y a dans l'avenir, il y a des choses bizarres. Fait que le monde, de plus en plus, plus ça avance, plus ils ont des craintes. Puis dans le temps des fêtes, là, ils goûtent le passé, puis ils goûtent l'avenir. Mais là, ils craignent quoi, là? Ben, ils craignent leur mémoire. Ils craignent des guerres. Ils craignent des famines. Ils craignent des pauvretés. Mais c'était le passé, ça? Ouais. C'était le futur. L'humain, il n'est pas passé. Fait qu'il peut recommencer. L'humain craint ça. Fait que là, l'humain, ce qui arrive, c'est que dans le temps des fêtes, subitement, il se fait pogner, il se fait hanter. Puis là, quand ça commence à approcher, là, ils mettaient sur le dos des cadeaux. Oh, il faut courir pour les acheter des cadeaux, puis quand t'en as fait, et quand t'en as fait, c'est des gros, puis t'en as acheté un petit, ben là, tu prends celui de ton petit enfant, puis change là l'étiquette, puis tu le donnes à l'autre, pour conquérir, pour... Là, ton enfant se ramasse avec une bouteille de parfum, puis l'autre se ramasse avec un jeu de Nintendo, mais ça fait quitter à bout les prix. Puis là, tu vas dans les magasins, puis là, faut que tu regardes tes affaires, puis... Mais non, c'est heureux. Avoue que tu as visité un centre d'achat, ben regardez, je fais le temps des fêtes. Pas de lumière, pas de cadeaux, pas de pancarte. Ce que l'homme ici dit, ah, on aimerait dans ça. Non, c'est faux. C'est le fun. Si vous marchez là-dedans, des musiques qui sont belles, qui sont extraordinaires, deux semaines de temps, après ça, c'est l'air mort. Là, tu vas voyager là-dedans, puis c'est le fun. Mais plus ça va, moins c'est le fun. Moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, là, j'ai convaincu l'autre de me laisser à la place, c'est que le temps des fêtes, c'est plaisant. C'est énergisant. Mais si on sait s'en servir, comme c'est supposé, ça veut dire quoi? Si on sait en faire une fête. Et pas une fête tranquille, c'est pas une fête, ça c'est de la beuverie, c'est pas une fête. Là. Le temps des fêtes, là, ce qui est le fun, c'est que chaque être humain est capable de fouiller dans son passé, mais s'il le fait consciemment, il va être capable de sélectionner dans son passé. Mais chaque être humain doit fouiller dans son avenir. Et aussi sélectionné dans l'avenir. Puis là, l'humain, là, il faut que vous comprenez peut-être pas tout ce que je vous dis, je sais pas où ce que vous en êtes, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'inconsciemment, on goûte le passé. Puis inconsciemment, on goûte ce qui vient. Comme l'homme a peur de ce qui vient, puis qu'il est convaincu que dans le passé, c'était mieux, bien nécessairement, il se sent nostalgique, fait qu'il se sent triste, il se sent malheureux, il aimerait être seul dans les coins souvent, il aimerait pas fêter, fait qu'il va se saouler la gueule, il va être capable d'affronter le public, qui se saoule la gueule, il va être capable de l'affronter lui. Et puis, ça fait qu'on n'est pas sûr. Pas sûr. Fait qu'on donne des cadeaux, des gros cadeaux à nos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de ces cadeaux-là. Les enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est comme les humains, ce qu'ils ont besoin à Noël. Oui? De l'amour. Ah oui, c'est évident. Non, mais je voulais dire, c'est avant ces deux semaines-là, pourquoi il y a une brèche énergétique dans ces deux semaines-là? Il n'y a pas une brèche. Il y a un surplus d'énergie qu'il faut utiliser. Le surplus d'énergie qu'il faut utiliser, c'est le surplus d'énergie qui fait en sorte qu'on va vibrer différemment. Mais vu qu'on vibre différemment, puis que l'humain a peur de tout ce qui est neuf, quand on a dit ça tout à l'heure, là, j'écoutais, voilà. Comme l'humain a peur de ce qui vibre différemment, bien, quand il commence à vibrer différemment, là, il commence à être plus intuitif, à être plus ouvert. L'humain commence à être plus intelligent, l'humain commence à être plus esthétique, l'humain a le goût de parler, l'humain a le goût de rencontrer du monde. Commence. Mais oui, c'est surtout l'énergie-là, c'est vous qui avec votre non, non, non, non, moi, je me suis ramassé là-dedans, puis là, j'en profite pas. Mais, ça n'a rien à voir. Ce qui est intéressant surtout, c'est que pourquoi qu'on commence à avoir le goût de rencontrer Monsieur Noël, puis on laisse la place stationnement, puis quand quelqu'un traverse la rue, ah, oh, ben tu le laisses passer, puis mais après Noël, tu l'écrases. pas toute l'année. Ben c'est simple, parce que là, vu qu'on goûte à notre passé, ben on goûte à notre avenir. Mais dans le passé, là, on s'est connus, puis quand je parle du passé, pas de 20 ans, 30 ans, je parle de loin en top à mouche, bien avant le Père Noël. Et puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'en connais, là. Tu sais pas, là. Mais t'as le goût de dire bonjour, le goût de jaser, t'as le goût de parler, puis t'as le goût de... Et ça fait combien d'années que vous êtes sur la planète, vous autres, là? Un maudit bout de temps, hein? Vous connaissez pas mal tout le monde. Sauf qu'on oublie pas mal tout le monde. Un gros village, à terre. Puis là, dans le temps des fêtes, là, tu commences à te relier. Fait que t'as le goût. Mais la problématique, c'est que l'être humain comprend rien, puis l'être humain ayant des mécaniques, parce qu'avant, l'humain, il se disait, écoute, dans la famille, on va tous s'embrasser, mais la famille, là, sexuellement, vous y allez par là, vous autres, hein? Fait que la famille est rendue pas mal un peu partout. Ce qui fait que, à travers tes génétiques, à un moment donné, tu rencontres une personne qui fait partie de ta famille, mais de 300 ans. T'as le goût de revenir. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand je me suis passé, ça se garoche à l'église encore, à minuit, une fois par année. Au moins, une fois par année, il faut y aller. Mais ça, c'est vous autres dans le passé qui y allez, pas vous autres maintenant, puis pas vous autres dans l'avenir. Fait que l'humain, il mélange, puis il s'en nostalgique uniquement parce qu'il commence à être plus beau, à être plus brillant, à être plus intelligent, il commence à être écœuré. Ces deux semaines-là, là, sont géniales. L'humain a tanné de toute la marde qu'il vit. Ces deux semaines-là. L'humain, là, il y en a, ras-le-bol. Là, l'humain, il se dit, il faut qu'il achète des cadeaux. Mais c'est pas vrai, ça, là. Vous asseyez chez vous, pas de cadeaux, là. Puis, ben, vous en parlez depuis avant, il faut préparer le monde. Et, parce que sinon, ils vont trouver que c'est cadeaux, hein? La crise économique était crise. Mais l'homme, la femme, les enfants doivent profiter de ce temps-là où, subitement, ils sont plus facilement capables d'altruisme, plus facilement capables de placoter, plus facilement capables d'aimer, puis de jaser, puis de rencontrer, pour le faire. C'est un peu comme ces deux semaines où vous pouvez jeûner facilement. Fait que tant qu'à jeûner non, ces deux semaines-là, c'est plus simple. Hein? Mais l'humain, il ne jeûne pas ces deux semaines-là. Avec les réveillons, c'est vrai. Hein? La tortille. Non, mais il jeûne après, puis il jeûne pendant. Une question? Il y a plein de secrets. Ouais, il y a un autre terme aussi qu'on utilise souvent, c'est les retrouvailles du temps des fêtes. Puis les retrouvailles, pour moi, c'est physique. Là, c'est vrai qu'on se retrouve physiquement. Puis ce que vous disiez tantôt, on se retrouve peut-être même nous autres mêmes dans le passé, dans le futur. Puis on retrouve des membres de la famille qui datent de quelques centaines d'années. Puis il me semble que c'est un temps aussi qui est propice au pardon. Ouais. Bon, il me fasse un malvin encore. Mais c'est pas associé au pardon? C'est pas associé au côté judéo-chrétien, ça, le pardon? Non. C'est associé à ce que tu voudrais. Qu'est-ce que le pardon, le pardon? L'humain, pendant ces deux semaines-là, là, il y en aura le bol. La planète Terre, là, il y a tout un paquet d'affaires, je pourrais expliquer si long. Mais il y a des choses qui se passent. On le sait qu'il y a des choses qui se passent. C'est pas un néon, il y a des choses qui se passent. Ces deux semaines-là, ça varie pour le monde. Ces deux semaines-là, jusqu'au jour de l'an, des fois, mais rarement. C'est plutôt le temps de Noël. Le jour de l'an, c'est nos affaires. Ces deux semaines-là, il arrive simplement que énergétiquement, l'humain est amené à ouvrir un paquet de canaux pour être capable, télépathiquement, émotivement, de communiquer avec son passé, avec les représentants de son passé. Donc, avec ses enfants, qui sont représentants de son passé, partie de son avenir, avec lui, il est capable de communiquer avec ce qu'il vivait avant, il est nostalgique, il est capable de reconnaître que 30 000 ans qu'on est ensemble, là, on ne se parle jamais, là. Ça peut-être qu'on commence à jaser, hein? 30 000 ans, à un moment donné, tu te dis, bon, et puis là, tu as le goût. Le pardon, là, ce que c'est le pardon? Le pardon, c'est qu'au niveau des liens, au niveau karmique, le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène énergétique, c'est un cérémonial, c'est une initiation de pardon. Pardon, on pense que c'est, je pardonne. J'ai vu du monde, moi, là, des mères, des pères qui pardonnaient leurs enfants des conneries, tu sais. Ils le pardonnaient, mais deux ans après, ils le rappelaient qu'ils leur avaient pardonné, tu sais. C'est pas ça. Pardonner, ça veut dire couper quelque chose du point de vue initiatique, puis après ça, ben, nécessairement, t'oublies de pardonner. T'oublies toute l'affaire. Alors, pourquoi c'était intéressant? C'est parce qu'il y a tellement de canaux qui sont ouverts que t'es capable subitement de te rendre compte des problèmes que tu te crées et que tu crées à autrui. T'as le goût. T'en rends compte. Mais là, l'humain qui supporte mal ça, ben, il va se sentir coupable. Il va encore se sentir nostalgique. Il va trouver qu'il n'est pas bon. Il va compenser par des cadeaux. Il va compenser par une fuite. Il va t'offrir trois verres de plus. Tu oublies plus vite que lui. Le pardon, ce qui est intéressant, le pardon, c'est que c'est pas de dire pas demander pardon. Tu ne demandes jamais pardon. On ne demande pas pardon à quelqu'un. Tu me pardonnes-tu? On ne demande pas pardon à quelqu'un. On lui dit qu'on a fait des conneries, puis on lui dit qu'on trouve ça con, des conneries. Tu es automatiquement pardonné parce qu'il faut que tu te pardonnes toi. Qui veut la culpabilité, pas l'autre. Bon, mais pourquoi c'est un temps absolument génial pour, on parle de retrouvailles. Retrouvailles, ça veut dire qu'on a déjà été ensemble. On parle pas juste dans le biologique, dans l'humain aujourd'hui. Là. On parle aussi dans le passé, de retrouver toi quand tu étais petit, de retrouver toi quand tu étais M. Smith, de retrouver toi quand tu étais un autre. Puis le monde, c'est la même chose. Puis on se retrouve entre nous autres à un moment donné. C'est évident que les personnes qui sont capables, tout le monde, qui sont capables de s'autoriser à vibrer le temps des fêtes, ça veut dire qu'ils sont en train de marcher, puis ils sont assis, ils sont au travail, puis ils se laissent imprégner par l'énergie du temps des fêtes, par le paquet de monde là qui, oh, ils font semblant, ils font pas semblant. Ils font le possible pour atténuer. Ils font pas semblant. Du monde là qui joue là, puis qui font, ils font pas semblant, ils vont boire, ils vont tout faire pour atténuer. Les gens ont une tendance à être plus heureux, les gens ont une tendance à se rapprocher, puis le pardon, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement que dans ce vie-ci, dans une autre vie, ou n'importe quand, ben, à un moment donné, vous avez créé des liens problématiques avec autrui, c'est-à-dire qu'il y a des canaux qui sont coupés. Pensez que vous êtes unique. Il y a plusieurs parmi vous autres, vous êtes les mêmes personnages ailleurs, mais dans différents corps. On bloque les canaux, on coupe par là, on coupe par là, on coupe par là, on coupe partout, vous autres. Pas juste au budget, partout. Et puis, à un moment donné, quand tu vas faire pardon, c'est que tu vas débloquer, mais ça se fait par la parole, la magie de la parole. Alors, ça va être, ben moi, à un moment donné, là, j'ai fait ça, puis c'est idiot. Puis, quand tu connais les mécaniques, ben tu peux carrément dire, pour moi, il l'a fait. T'sais, moi, j'ai jamais voulu faire ça. T'es manipulé de faire. C'est vrai. Puis là, ben là, l'autre, lui, ce qu'il va faire, c'est que s'il dit, ben OK, mais moi, je t'ai oublié, je vais m'oublier. Il s'en rappelle encore. Tu sais, ça se dirait quoi, de quoi tu parles? Ça s'est oublié. Ben, pas grave. Fait que là, il va dire, c'est oublié, c'est pas oublié. Moi, j'oublie. Puis là, parce que tous les deux, on s'entend, lui, il débloque ses canaux, moi, je débloque mes canaux. Mais s'il ne veut rien comprendre, je débloque les miens quand même. Et ce qui va arriver, c'est que ça va circuler mieux. Et ce que l'humain ne comprend pas, c'est pas que ça va circuler mieux. Il va falloir penser qu'on se voit régulièrement, parce que maintenant, on sait. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je circule mieux. Même si je ne le vois plus jamais, là, lui, là, moi, je circule mieux. Mon énergie circule mieux. Ben, vos énergies vont circuler mauditement mieux si pendant ces deux semaines-là, où vous êtes enclin, manipulé, enclin à plus d'ouverture. Ben, si on profite du temps où c'est plus facile, ben nécessairement, on va en profiter en maudit, on va placer sa ceinture, on va organiser les affaires, on va passer en avant, tout ajuster, puis la vie va être beaucoup plus plaisante après. C'est, je connais un bonhomme, il est mort, ben il est mort, c'est quoi son corps? C'était de la chimiste aussi, il faisait de la chimie de Dieu. Et puis vers Pâques, il partait avec du monde, des chaudières, des draps, il s'habillait pas en fantôme, il allait étamper ses draps dans des branches. Il piquait. Là, il attendait, en espérant qu'il pleuve pas. Là, il y a de la rosée qui se pognait après les drops, là, il ramassait les drops, là, il tardait tout ça. Là, il y avait de l'eau de Pâques. Il y avait quelque chose, il y a de toute façon quelque chose de particulier dans l'énergie qui faisait en sorte que le bonhomme a réussi à vivre longtemps, à faire plein de choses, puis à faire un paquet de belles. À l'époque de 25, on appelle ça Noël, cause du père. Un jour, si vous donnez votre nom comme ça, une fête, allez voir. On va aller fêter la fêter Noël. Dans cette période-là de près de 14 jours, près, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité d'aller chercher beaucoup plus d'énergie que ce que mon alchimiste allait chercher, qui s'appelait aussi Al, Exandre. Et puis, on peut ramasser beaucoup plus. En ramassant beaucoup plus, on est capable de se purger. Un exemple. Vous avez des gens qui sont morts. Vous n'avez jamais vraiment coupé les liens avec eux. Ben là, c'est le temps de ramasser des photos. Tu sais, quand on est nostalgique, on goûte broyé, c'est le temps, l'énergie, là. Puis là, tu les regardes, seul. Puis peut-être, tu vas partir à pleurer. Tu vas te vider. Tu vas ramasser l'énergie qui traînait là pour rien. Tu vas le libérer totalement au niveau de sa mémoire. Lui, il est toujours réincarné. Tu vas te libérer complètement de lui. Tu vas pas le reconnaître facilement après ça quand tu vas le rencontrer, mais le temps que tu es branché là, c'est compliqué. Des personnes que tu as connues qui sont peut-être pas mortes, mais que tu ne reverras plus, tu peux penser. C'est le temps. Là, tu t'écrases, puis tu penses à ta jeunesse. Comment c'était bon, qu'est-ce que tu n'as pas profité, comment c'était con, dans tes vies antérieures, si tu es capable. Et tout ça, tu en profites pour te laisser envahir de nostalgie sans trinquer, sans crier, sans trouver que c'est pas bon. Puis tu te purges. Comme une transpiration. Je suis en train de me purger. Il faut profiter des occasions. Mais au lieu de la messe de minuit, là... Tu peux aller à 10h, le curé du roi. Y a-t-il un rituel qu'on pourrait faire qui nous permettrait de mieux... Ah, tu peux aller à les rituels. La magie... Pourquoi c'est de la magie blanche, des fois? Oui, mais la meilleure chose à faire, le meilleur rituel, là, c'est comme par exemple... C'est quoi le rituel pour embrasser quelqu'un? Ah, le Père Noël n'aime pas ça, un rituel. Une célébration? Ah, c'est un rituel. Une célébration. Non. Quelque chose à faire qui serait... Profite donc ces deux semaines-là pour pleurer, si ça vient. C'est probablement une des thérapies les plus extraordinaires qu'il ne peut pas y avoir pour l'être humain. Guérir des cancers, guérir des paquets de bobelles, guérir de culpabilité intérieure, guérir des paquets d'affaires... Là, tu as loué 2-3 films tristes, là. Sérieux, je dis là, c'est bon. Puis là, on a... J'ai vu... On va vous expliquer. Dans mes tournées avec ma grosse poche... Bon. Donc, avec mon gros sac... Là, la fin des cadeaux. J'ai vu... Mes parents, tu t'arrives de donner un cadeau, là, puis... L'enfant est mort avant de t'attendre. Pas de temps. Tu y amenais un beau petit cercueil, puis mort avant. Bon. Là, les parents sont meilleurs. Ils se sont tristes. Ils sont tristes en maudit. Dans le temps des fêtes, là, il y a des affaires extrêmement tristes. Moi, j'ai constaté que ce monde-là était triste. Il pleurait. Puis le pire, c'est que c'était le temps des fêtes. Là, il y a regardé le Père Noël. Pas la cheminée. Pas la cheminée. Je l'aurais fait mettre une planche noire. Il n'a jamais rentré par la cheminée. Bon. Les égouts. Non plus. Mais tu vois du monde triste, là, sont tous là, puis ça pleure, mais dans le temps des fêtes. Là, qu'est-ce que je constate subitement? C'est que l'enfant est mort. Les parents sont tristes. Et puis, ça cogne. Les parents sont tristes. Et puis là, subitement, ben, il y a la mère ou le père, un des deux qui est malade, là, qui commence à se sentir mieux. Là, le père, il se lève, là, en beau tabarnouche, toujours eu mal dans le dos, toujours le dos un petit peu croche, puis à un moment donné, il se lève, là, puis là, il se met à gueuler, puis là, l'enfant est mort, puis là, ça se met à broyer. Lui, il est guéri. Puis ça, j'en ai vu!